un ministre de la guerre occidentale peut-il partager sa maîtresse avec un espion soviétique? Telle pourrait être résumée la question posée par l'affaire Profumo. Une affaire, peut-être vous en souvenez-vous, qui a provoqué un énorme scandale dans l'Angleterre du début des années 60, oui, l'Angleterre des Beatles. Le scandale était de taille et la maîtresse resplendissante, Christine Keeler. Une rousse flamboyante, un modèle de rêve pour les journaux populaires britanniques, ces tabloïds qui, lorsqu'ils ne s'intéressent pas à la vie intime de la famille royale, ne dénègent jamais de publier des photos de pin-up plus ou moins déshabillées. Autant vous le dire tout de suite, la version de l'affaire Profumo que m'a proposé M. X au cours de ce nouvel entretien n'a rien à voir avec ce que l'on en connaît. C'est une parfaite illustration de la thèse favorite de mon interlocuteur dans beaucoup de dossiers. Il existe deux vérités. La vérité officielle, celle que l'on trouve dans les livres d'histoire ou les journaux, et une autre vérité, plus subtile, plus machiavélique, où s'agitent ces hommes de l'ombre que M. X connaît si bien. Alors, l'affaire Profumo. Résumons à grands traits. En mars 63, à la faveur d'un banal fait divers, la presse murmure que Christine Keeler, un très joli mannequin, en fait il s'agit d'une call girl, est la maîtresse du ministre de la guerre, John Profumo. Celui-ci dément solennellement à la Chambre des communes. Il fait même condamner des journaux qui se sont fait l'écho de sa liaison. Mais la presse ne désarme pas. Elle tient son sujet et son héroïne, la belle Christine. Celle-ci, contre monnaie sonnante et trébuchante, parle. Elle évoque son ami Stephen Ward, médecin mondain et proxénète distingué. Elle parle de la vie débridée de certaines personnalités de l'aristocratie britannique. Elle déclare surtout que pendant de longs mois, elle a partagé son lit et ses charmes entre John Profumo, cinquième baron du nom, et un certain Eugène Ivanov, attaché naval à l'ambassade soviétique de Londres et probablement espion. Cette fois, le scandale ne peut pas ne pas éclater. John Profumo revient en juin devant la Chambre des communes et il avoue « J'ai menti ». Il démissionne aussitôt après. Mais le scandale ne s'arrête pas là. Les députés, l'opinion, la presse posent la question. Y a-t-il eu trahison? Christine Keeler n'a-t-elle pas profité de sa double liaison pour extorquer des secrets à Profumo afin de les transmettre à Ivanov? Une version inédite de confidence sur l'oreiller. Un magistrat est désigné pour élucider ce grave problème. Il rend son rapport en septembre, Profumo n'a pas trahi son pays. Mais le gouvernement de Macmillan a été secoué par cette affaire et bientôt il tombera, à cause des conséquences de l'affaire Profumo. Entre-temps, le docteur Ward, menacé d'un procès pour proxénétisme, s'est suicidé. Ivanov, lui, a été rappelé en URSS. Quant à Christine Keeler, elle fera encore quelques beaux titres dans la presse populaire, puis on finira par l'oublier. Un dernier mot avant d'écouter M. X. John Profumo, la véritable victime de cette affaire, ne refera jamais de politique. Dès sa démission, cet homme richissime s'est engagé dans une œuvre de bienfaisance où il s'occupe des plus pauvres. Sa réhabilitation, si l'on peut dire, arrivera plusieurs années plus tard lorsqu'en visitant une institution dont l'ancien ministre s'occupe, Elisabeth II lui serre la main. Avant de commencer, si vous avez choisi de me parler aujourd'hui du scandale Profumo, c'est donc que les services secrets y ont joué un rôle. Bien évidemment. Pourtant, je me souviens très bien, on a toujours prétendu que le ministre de Macmillan ne s'était pas rendu coupable de trahison. Je n'ai pas dit qu'il avait trahi. Expliquez-vous alors. Cette affaire Profumo, je vous le dis tout de suite, c'est un modèle de manipulation. Manipulation de qui ou par qui? J'ai presque envie de vous dire de tout le monde. Ça mérite à nouveau une petite explication, ça. Oui, les services de renseignement passent leur temps à jouer à « je te tiens, tu me tiens » par la barbiche. Une curieuse façon de voir les choses. Et pourtant bien réel. Quand l'un marque un point, l'autre ne cesse de prendre sa revanche, et ainsi de suite. Enfin, vous connaissez le schéma. Mm-hmm. Et quand on examine l'affaire Profumo sous cet angle, tout devient excessivement clair. Pour vous, peut-être. Non, je suis sûr que vous aussi, vous allez comprendre. Merci du compliment. Enfin, tout commence assez classiquement par une information transmise par une taupe. Qui ? Un type dont vous connaissez certainement le nom, Oleg Penkovsky, un officier du KGB qui travaillait aussi pour les Anglais et les Américains. Ça me dit en effet quelque chose. Et si ça vous intéresse, un jour je vous raconterai son histoire. Parce que cet agent double a joué un rôle de première importance dans la crise des fusées. Les fusées soviétiques qui devaient être installées à Cuba. Oui, puis je vous jure qu'à cette occasion, on est passé très très près de la guerre nucléaire. Mais c'est une autre histoire. Donc en 1961, Penkovski avertit donc nos bons amis anglais, intéressez-vous à Eugène Ivanov, l'attaché naval de l'ambassade soviétique, c'est un homme du KGB. Comme beaucoup de membres du personnel diplomatique russe. Bien sûr. Mais si Penkovski signale cet attaché naval, c'est qu'il doit avoir une place éminente au sein de la centrale soviétique. Alors que se passe-t-il dans un cas pareil, les Anglais le surveillent. Ils vont faire plus que cela encore. Ils vont essayer de le retourner. Mais comment? Les agents du MI5, le contre-espionnage britannique, se rendent chez un certain Dr. Ward. Oui, un homme dont on va souvent parler lors de l'affaire Profumo. Exactement. Ward, c'est un drôle de fusil. Trop de fusils racontés. Eh bien, Ward est un homme très en vue. Cet ostéopathe a une clientèle fortunée et célèbre. Il a soigné, par exemple, Churchill. Et il fréquente assidûment la gentry. Ah, gentry, l'aristocratie. Oui, oui. Il connaît beaucoup de monde. Du beau monde. Mais ça, c'est l'aventure. Dans l'arrière-boutique du docteur Ward, il se passe des choses pas très claires. C'est-à-dire? Élégant, cultivé, cynique, Ward est un libertin notoire. Pour assouvir ses propres désirs ou pour arrondir ses fins de mois, ça, je ne le sais pas. Il est peu à peu devenu le pourvoyeur des plaisirs de la bonne société britannique. Mmh. Les femmes? La drogue, un peu, et les femmes, beaucoup. Mmh. Bah, soyons clairs, c'était un proxénète, une sorte de Madame Claude. On peut le dire, oui, même si, je le répète, j'ignore si le docteur Ward tire un profit de son petit commerce. En fait, je crois que Ward était essentiellement un entremetteur et un voyeur, peut-être même un impuissant. Chez lui, il avait installé une chambre avec un miroir sans teint qui lui permettait, à lui et à ses amis, de suivre les ébats de ses créatures. Mmh. D'accord, mais... Pourquoi le MI5 vient le voir? Ward avait l'habitude de collaborer avec les agents anglais. Il leur donnait des tuyaux sur les turpitudes qui se passaient chez lui? Pour un service secret, il n'est jamais inutile de connaître les faiblesses des grands de ce monde. Ouais, pas joli joli le personnage. Vous avez raison, mais Ward était une sorte d'esthète qui jouissait de sa propre perversité. Bon, passons. Les types du MI5 qui viennent le voir lui demandent de les aider à piéger Ivanov. En lui procurant une de ses filles. Oui, et le choix se porte sur une ravissante rousse, Christine Keller. Mais parlez-moi d'elle. Oh, il n'y a pas grand-chose à dire. Cette fille de 18 ans a atterri à Londres en 1960, décidée à tout faire pour s'en sortir et gagner de l'argent. De tout faire? Oui, vous avez parfaitement compris. Christine ne possède qu'un bien, son corps. Et il faut reconnaître que c'est un joli capital. Non, on dirait que vous l'avez connu. Je vous en prie, j'ai jamais fréquenté le salon du docteur Ward. En l'occurrence, il s'agirait plutôt de sa chambre à coucher. Bon, je continue. Christine se débrouille comme elle le peut. Elle trouve un petit boulot de serveuse tout en se prostituant. Puis comme elle est quand même au-dessus du lot, elle trouve un engagement de danseuse dans un cabaret à la mode. Et c'est la chance de sa vie. Et pourquoi? Eh bien parce qu'un soir, le docteur Ward la découvre. Immédiatement, l'ostéopathe est séduit. Amoureux? J'en sais rien. En tout cas, il la trouve si appétissante qu'il l'emmène aussitôt chez lui et qu'il l'y installe. Ils vivent conjugalement. À la façon de Ward, c'est-à-dire qu'il prête Christine à qui l'a. Ah oui, c'est une façon. Oui, c'est peut-être sa manière à lui de l'aimer, enfin, allez savoir. Donc Ward pense à Christine Keller pour séduire Ivanov. Exactement. Et le médecin se débrouille pour faire inviter l'attaché naval soviétique dans la propriété de l'un de ses amis, Lord Astor, le cousin du propriétaire du Times. Grande famille de l'aristocratie. Oui. Et Astor et Ward sont des intimes. Si intimes que l'aristocrate a même mis à la disposition de son ami un cottage dans sa propriété. C'est là que se passe la rencontre entre la belle Christine et le soviétique. Et ça marche. Bon, écoutez, j'étais pas sous le lit. Oui, je pense qu'Ivanov est séduit. Enfin, seulement il est prudent, très prudent. Mais pourquoi? Parce qu'il sait exactement où il met les pieds, si je puis dire. Ça signifie quoi? Ivanov a été averti du piège qu'on voulait lui tendre. Étrange personnage, ce docteur Ward. Fils de pasteur, il a... une solide réputation d'homme à femme, des femmes qui, curieusement, ne demeurent jamais longtemps auprès de lui. Ce qui conforte peut-être l'idée émise par M. X, Ward était sans doute un don Juan impuissant. Professionnellement, en tout cas, sa réussite est incontestable. Elle a commencé grâce à Winston Churchill. Alfred Fabrelus, dans son livre « La dernière nuit du docteur Ward », raconte cette rencontre, je le cite. « Le jeune docteur est accueilli par Mrs. Churchill, qui lui dit, avant de l'introduire chez son mari, « Ne vous laissez pas impressionner par lui, ce n'est qu'un gros bébé. » Churchill, chassé du pouvoir par les électeurs britanniques, a vu brusquement s'abattre sur lui le fardeau des années. Maintenant, il sent ses rhumatismes et propose son coup à Ward. Dans son lit, plus bulldog que jamais, le cigare en bataille, il grommelle. « Encore un qui va vouloir me faire renoncer à fumer. » À cette première entrevue, d'autres succèdent et les deux hommes commencent à plaisanter. Churchill demande, Et si je mourais pendant que vous me tordez le cou, je m'enfuirais à Moscou, je serais bien accueilli. Ce n'est pas sûr, réplique Churchill. Il y a d'étranges arrière-plans à cette remarque. Des arrière-plans, écrit donc Fabrelus, or M. X, au moment où notre entretien a été interrompu, disait que l'attaché naval soviétique avait été averti du piège qu'on voulait lui tendre par Ward lui-même. Vous insinuez donc que Ward jouait un double jeu. Oui, Ward, collaborateur occasionnel du contre-espionnage anglais, était aussi indirectement lié au KGB. Indirectement. Parce que la liaison se faisait via l'un de ses amis, un drôle de type lui aussi, un certain Peter Rackman, un Polonais, arrivé en Angleterre après la guerre. Pourquoi dites-vous que c'était un drôle de type ? Parce que ce Rackman est arrivé sans un sou en poche et que quelques années plus tard, il était immensément riche. Comment ? Quel domaine ? L'immobilier et le gangstérisme, ou les deux à la fois. Les deux à la fois, expliquez. Le système est simple. Vous achetez un immeuble où vivent des gens modestes qui payent un petit loyer. Vous les mettez à la porte. S'ils résistent, vous leur coupez l'eau, vous cassez les portes, vous leur envoyez des gros bras. Puis la place étant nette, vous rénovez les appartements et vous les relouez très cher. Ce n'est pas très ragoûtant, mais c'est très efficace. Ouais, c'est largement utilisé chez nous aussi. Bien sûr, mais Rackman n'est pas que ce requin de l'immobilier, c'est aussi un agent communiste. Vous en êtes sûr ? Absolument. J'ajoute qu'il disparaîtra mystérieusement en 1962, donc avant que le scandale Profumo n'éclate. Pourquoi mystérieusement cette... Il meurt d'une crise cardiaque. Ça, c'est pas très mystérieux. Oui, mais son corps est incinéré avec une précipitation suspecte. Et ça veut dire quoi ? Rackman, j'en suis certain, a simulé la mort. Il y a des drogues pour cela, puis il a disparu. Mais il y a quand même un corps dans le cercueil, j'imagine. Oh, bien sûr qu'il y avait un corps, mais c'est sans doute celui d'un vagabond trouvé sur les bords de la Tamise. On a déjà vu ça ailleurs. Je sais, oui. Une histoire française comme ça. Oui. Mais le lien avec Ward ? Les dames. Oui, Rackman est un consommateur régulier de jolies filles de Ward, et parmi elles, Christine Keller. Ça crée des sympathies, effectivement. Donc, si je comprends bien, c'est ce Rackman, agent communiste, averti par Ward, qui informe Ivanov. Oui. Mais si Ivanov sait que c'est un piège qu'on essaie de lui tendre, pourquoi accepte-t-il d'avoir une liaison avec Christine Keller ? Parce que les soviétiques vont à leur tour retourner la situation, c'est-à-dire qu'ils vont se venger. Et leur plan va être beaucoup plus machiavélique que celui imaginé par les Anglais. Et quel est ce plan, si vous... Attendez, je voudrais d'abord vous raconter les faits dans l'ordre. Un jour torride de juillet 1961, Christine Keller se rend avec son ami Ward à Clarendon, la propriété de ce lord Astor dont je vous ai déjà parlé. Une propriété dans laquelle Ward a la jouissance d'un cottage. C'est juste. Il fait donc très chaud et à Clarendon, il y a une piscine. Christine décide de se baigner. Elle passe un maillot de bain dans le cottage de Ward, se dirige vers la piscine, mais avant de plonger, elle enlève son maillot. C'est donc toute nue qu'elle entre dans l'eau. Charmant. Et j'avoue que je ne vois pas où vous voulez en venir. Attendez. Donc la belle naïade folâtre dans l'eau, mais soudain, un petit groupe d'hommes apparaît. Christine feint de ne pas les voir et sort de l'eau, superbement vêtue de sa seule nudité. Et vous êtes poète maintenant. Hein. Pourquoi pas ? Christine cherche son maillot de bain. Horreur, il a disparu. Elle relève la tête, découvre le groupe d'hommes et dissimule ses charmes, comme vous pouvez l'imaginer. Ouais. Et ces hommes J'y viens. Il y a là le propriétaire des lieux, Lord Astor, mais aussi le président pakistanais de l'époque. Et un troisième homme, très distingué, très british, si vous voulez. Ouais, Profumo, c'est lui. Hein. Ouais. Lui-même, le ministre de la guerre du gouvernement Macmillan. Et réaction de ces hommes devant la charmante nudité de Christine ? L'admiration, bien sûr. Ça se comprend, n'est-ce pas ? Et puis le plus ému, sans conteste, c'est Profumo. D'accord, mais cette scène, si j'ai bien entendu votre récit, a été arrangée. Naturellement. C'est Ward qui a tout organisé. La disparition du maillot de bain, l'arrivée impromptue de Profumo et la délicieuse confusion de Christine Keller. Et ça fonctionne. Parce que le ministre de la guerre de sa gracieuse majesté ne va avoir de cesse de revoir la beauté entrevue au sortir de son bain. Et Ward, comme vous le pensez, va favoriser son entreprise. Profumo et Christine deviennent rapidement amants ? Oui, très rapidement. Et Christine continue dans le même temps à fréquenter aussi Ivanov ? Plus que jamais. Le soviétique a à peine quitté son lit que le ministre y entre. C'est du vaudeville, maintenant. C'est une façon de voir. Une question quand même là. Ivanov, lui, doit forcément savoir que Christine couche avec Profumo. Mais Profumo, lui, sait-il ? Non, au début en tout cas. Alors comment va-t-il l'apprendre ? D'une façon extraordinairement étonnante. Pensez bien que le contre-espionnage anglais n'a pas cessé de s'intéresser à Ivanov. Et le MI5 espère toujours que le diplomate espion soviétique livrera quelques confidences à Christine Keller. Ou mieux encore, acceptera de faire défection ou de devenir un agent double pour ses beaux yeux. Et c'est comme ça, en surveillant Christine, que les agents anglais découvrent que la belle a une liaison avec Profumo. Alors comment réagissent-ils ? Ben, les gens des services secrets ne sont pas tout à fait des gens comme les autres. Il me semble que vous êtes particulièrement bien placé pour l'affirmer. Je trouve bien mordant aujourd'hui. Pardonnez-moi, c'était une simple observation. Mais alors, continuez si vous le voulez bien. Bon, le réflexe normal des types du MI5 aurait été de mettre en garde le ministre Profumo. Attention, votre maîtresse fréquente un espion soviétique, rompez au plus vite. Ouais, ça me paraît logique, ça. Eh ben, pas du tout. Les agents du MI5 se rendent chez Profumo et lui demandent son aide. Je comprends pas du tout. Mais si. Ils lui apprennent la vérité et lui disent qu'il est de son devoir de pousser Christine Killer à obtenir des renseignements de son autre amant. En gros, il demande au ministre de faire de l'espionnage. C'est à peu près cela, oui. Ouais. Et comment réagit Profumo ? Indigné, il refuse tout net. Il rompt avec Christine Killer ? Oui, peu après. Mais le refus de Profumo va avoir des conséquences dramatiques pour lui. Car on le lui fera payer très cher, d'autant plus cher que les agents du MI5 ont commis eux-mêmes une faute très grave. Ils ont agi sans consulter le gouvernement. À aucun moment, le cabinet ne sera informé. Et Macmillan sera donc dans l'impossibilité de réagir efficacement lorsque le scandale éclatera plus tard. Quelques détails biographiques sur John Profumo. Lointain descendant d'un aristocrate italien, il a été élu député conservateur en 1940. Il avait alors 25 ans. Et c'était l'un des espoirs du parti Tory. Il s'engage dans l'aviation pendant la guerre qu'il finit avec le grade de général. Ingénieux, doué d'un sens aigu de la publicité, il retourne à la politique et se marie avec la belle Valerie Hobson, la vedette du film Noblesse oblige. Sa carrière ministérielle commence en 1952 dans un gouvernement présidé par Winston Churchill. En 1960, il est nommé secrétaire d'État au War Office, c'est-à-dire ministre de la guerre. C'est dire combien sa carrière politique est rapide et prometteuse. Et dans son nouveau poste, Profumo fait merveille. Par exemple, pour remédier à la crise de recrutement dans l'armée, il n'hésite pas à recourir à la publicité pour inciter les jeunes Anglais à s'engager. C'est un succès. Le journal Times note alors que John Profumo est plus habile et spirituel que jamais. Mais plus dure sera la chute. Le piège est donc en place. Les soviétiques disposent même de photos où l'on voit le ministre de la guerre se baigner dans la piscine de Lord Astor en compagnie d'Ivanov. Mais vous m'avez dit... Je vous ai dit que Profumo a longtemps ignoré son infortune. Mais je ne vous ai pas dit que les deux hommes ne se connaissaient pas. Chez Lord Astor et son ami Ward, on rencontrait beaucoup de monde. Mieux, le KGB a même en sa possession une lettre écrite par Profumo à sa maîtresse. Donc à partir de ce moment-là, les soviétiques vont pouvoir agir. Quand ils en auront besoin. C'est-à-dire ? Vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. Au début de l'année 1963, il se passe un fait très curieux. Un Jamaïcain, un peu excité, tire 3 balles de revolver dans la porte de la maison du docteur Ward. Ce type, c'est un ancien amant de Christine et il est jaloux. Jaloux de Ward ? Oui. Banal, non ? Je vous l'accorde. Mais ce qui est beaucoup moins banal, c'est que des journalistes assistent à la scène. Ah oui, on les a prévenus alors. À votre avis ? Mais quel est le but poursuivi ? On va faire sortir le loup du bois. Et le loup, c'est le ministre Profumo ? Bien évidemment. Alors comment ça se passe ? L'attention de la presse est donc attirée sur le personnage de Christine Killer et accessoirement sur celui du docteur Ward. C'est la première étape. Deuxième mouvement, lors du procès du Jamaïcain, quelques semaines plus tard, Christine, témoin principal, ne se présente pas devant le tribunal. Elle a disparu. Interrogation, où est-elle ? Pourquoi se cache-t-elle ? Enfin, vous comprenez, il faut appâter la presse. Et soudain, troisième temps, Christine reparaît, et c'est un véritable feu d'artifice. Soyez plus clair, la frère. Le mannequin provisoirement disparu, mannequin, enfin c'est la profession que Christine prétend exercer, le mannequin disparu donc est retrouvé, fait la une des journaux. Et les photos sont superbes. La grande opération peut commencer. Les révélations. Les révélations, oui. Christine donne des interviews payantes. Et elle commence à distiller son venin. C'est-à-dire, elle parle de sa liaison avec Profumo. Oui, et puis bien d'autres ragots concernant ce qui se passait chez son protecteur, le docteur Ward. Elle lâche donc aussi Ward ? Je ne crois pas. Elle parle d'abord en accord avec lui. Et Ward, qui joue un rôle dans une partie qu'il dépasse, ne se rend pas tout de suite compte qu'il devra payer les pots cassés. Ce qui importe en tout cas, c'est que Profumo, attaqué par les députés travaillistes, dément avoir jamais eu une liaison avec Christine Killer. À partir de ce moment, il est fichu. Parce qu'il a menti. Oui, et que les gens du KGB détiennent les preuves qui établissent qu'il a bien été l'amant de Christine. Donc l'offensive continue. Oui, et c'est maintenant une feuille confidentielle qui évoque l'affaire, et qui pour la première fois parle de l'espion Ivanov. Ivanov, l'autre amant de Christine Killer. Et là, le journaliste qui écrit l'article, ou plutôt celui qui lui a dicté l'article, met les pieds dans le plat. Qui, se demande-t-il, se servait de la call girl pour obtenir des informations ? Était-ce le ministre, ou bien plutôt l'attaché naval soviétique ? cette fois-ci Profumo est pied et poing lié. Et bientôt, il va être obligé de se présenter sa démission. Une parenthèse, quand même, avant d'aller plus loin. Là. Ivanov, là, qu'est-il devenu? Vous pensez bien que les Soviétiques ne l'ont pas laissé moisir en Angleterre. Avant même que l'affaire n'éclate, au tout début de l'année 63, il a été opportunément rappelé à Moscou. Lui aussi, au fond, n'était qu'un pion. Et on sait ce qu'il était devenu de lui? Oui. Pour le KGB, il n'est jamais très bon d'avoir fait parler de soi, surtout dans la colonne des faits divers. Oui, mais Ivanov n'a fait qu'obéir. Hein. Bien sûr, mais tant pis pour lui, il était brûlé. À son retour à Moscou, on l'a mis au placard. On a appris sa mort assez récemment, je crois. Il s'était, paraît-il, reconverti dans le journalisme. Ça menait à tout le journalisme. Hein. Ouais. Alors, le fin fond de l'affaire. Ça avait quelque chose. Bon, je résume. D'abord, le MI5 essaie de retourner un soviétique, Ivanov. Le KGB l'apprend et se venge. À sa façon, le résultat, c'est la démission du ministre de la guerre, puis, quelques mois plus tard, la démission du cabinet tout entier. Les soviétiques ont donc, pardonnez-moi l'expression, fichu une sacrée pagaille en Grande-Bretagne. C'est pas mal, non? Mais ce n'est pas tout. L'opération Profumo est en réalité un rideau de fumée. Un rideau de fumée, ça sert à cacher quelque chose. Oui, les soviétiques savent qu'un de leurs réseaux les plus importants va être incessamment démantelé. Quel réseau? Celui des cinq magnifiques, comme on les a appelés. Ah, Philby et les autres? Oui. Des hommes qui travaillent depuis l'avant-guerre pour le KGB et qui occupent tous des fonctions éminentes à l'intérieur même des services secrets anglais. Ce qui leur a permis d'ailleurs d'agir impunément puisqu'ils étaient parfaitement informés. Mais pourquoi, ou plutôt comment le KGB sait que ce réseau des cinq magnifiques l'a menacé? À cause d'un transfuge, une fois de plus. Dolnitsyn, un type qui est passé chez les Américains et qui connaît l'existence du réseau Philby. Sans toutefois savoir qui en sont les hommes. Les soviétiques se doutent bien que les spécialistes de la CIA vont arriver un jour ou l'autre à dévider la plotte et donc à identifier Philby et les autres. Donc, il faut tout faire pour préparer leur exfiltration lorsque le moment sera venu. Tout faire aussi pour sauver ce que l'on peut. Car tous les agents du réseau Philby ne seront pas identifiés. C'est ainsi qu'à Moscou, on conçoit cette opération en rideau de fumée. Mais pardonnez-moi, ça me paraît quand même un peu tiré par les cheveux. Hein. Bon, ben écoutez, intéressez-vous donc aux dates, 1961. Tandis que Christine Killer apparaît toute nue aux yeux de Profumo, Philby, dont on commence à se méfier à l'intelligence service, se trouve à Beyrouth. Mis provisoirement à l'écart, il a repris son premier métier de journaliste. Ouais, lui aussi, hein. 1962, le transfuge Dönitzin passe à l'ouest. 1962 aussi, la manipulation Profumo est mise en place. Début 1963, Ivanov est rappelé à Moscou. Le scandale Profumo va pouvoir être déclenché. Début 1963, toujours, Philby s'évanouit dans la nature. On ne le reverra que bien plus tard, à Moscou. Êtes-vous convaincu maintenant? Un tout petit peu plus, oui. Je vous le promets, un jour, nous reparlerons de Philby, car tout n'a pas été dit sur celui qu'on a appelé l'espion du siècle. J'ai encore bien des révélations à vous faire. Le docteur Ward, je vous l'ai dit au début de cette émission, s'est suicidé. Menacé d'un procès pour proxénétisme, l'élégant médecin mondain a craqué et il a avalé des médicaments. Lui aussi, n'a-t-il été qu'un pion dans cette affaire, un pion manipulé par le KGB, comme l'a laissé entendre M. X? Je soumets à votre attention un curieux document, une lettre d'adieu écrite par Ward, un ami, alors qu'il venait d'avaler les médicaments qui allaient le tuer. Je vous lis cet extrait assez énigmatique. J'espère tout de même que je n'ai pas trop déçu les gens. J'ai essayé de faire mon boulot. De quel boulot veut-il parler? Est-ce de sa collaboration avec les Soviétiques? Autre confirmation. Dans un document des cahiers du Centre d'études d'histoire de la défense, document consacré à l'affaire Profumo, l'auteur, Jérôme Marchand, confirme la tentative de retournement d'Ivanov par le MI5. Tentative qui s'est faite par l'intermédiaire du docteur Ward. Enfin, toujours d'après ce document, le patron du MI5, Roger Mollis, affirmait au Premier ministre Macmillan que la liaison Profumo-Killer ne constituait pas un risque de sécurité potentiel pour la Grande-Bretagne, ce qui est faux. Après son mensonge, le KGB aurait très bien pu faire chanter Profumo. Mais le directeur du MI5 pouvait-il dire autre chose, puisque son service, selon M. X, avait commis de graves fautes en ne tenant pas informé le cabinet britannique de la double liaison Killer-Ivanov et Killer-Profumo. Il me faut quand même ajouter que nulle part dans cette étude très documentée, il n'est fait allusion au rideau de fumée destiné à dissimuler la disparition de Kim Philby. À samedi prochain sur France Inter.